Allez, on fait un bond dans le temps avec le second focus de l'émission de ce soir. Retour donc au micro de l'ami Thibaut pour du coup sa deuxième prise de parole. Eh oui, rebonsoir. Un groupe qui nous vient du Canada, pas que, on reviendra là-dessus parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Smoodler, un groupe. Ah, super, merci. Je me suis mis à 2 mètres du J'ai micro, hein, c'est bon. entendu. Smoodler, donc, qui nous sortent leur troisième album. Un groupe qui nous fait du heavy epic teinté de doom. C'est vraiment super sympa ce qu'ils proposent. Alors, ils étaient à l'origine donc au Canada. Et après, le groupe s'est un petit peu éparpillé dans le monde. On en a une partie au Canada, une partie aux USA, une partie en Finlande. Donc voilà, le groupe est Pardon, un petit peu éclaté je partout. blousse. C'est un groupe qui s'est formé en 2013. Ils ont sorti une première démo en 2018. Donc ça fait un gap de 5 ans entre la formation et leur première sortie. Et ils enchaînent directement l'année suivante, en 2019, avec leur premier album, Times of Obscene Evil and Wild Daring. Déjà, l'album est génial et surtout accompagné d'un visuel grandiose. C'est un style qui me parle. C'est vraiment le style des comment dire les c'est les pas des comics, mais c'est les années 70 de Conan le Barbare. C'est complètement ça. Connard le Barban, c'est Ouais. complètement ce type d'ambiance qu'on retrouve sur la pochette, hein, du Manowar en mieux. Ouais, complètement. La pochette est magnifique, mais pour moi surpassée par la pochette de 2020. De l'EP, non, oui, c'était pas un album, pardon, c'était un EP en 2020, Dreamcrest End. L'artwork est splendide, l'album est beaucoup plus doom, beaucoup plus travaillé, un peu moins heavy, peut-être à mon regret, mais il est excellent également cet EP. Et ouais, visuellement, c'est incroyable, vraiment la pochette, je la trouve magnifique. Et donc là, leur album qui sort donc sur le label Cruz del Sur, un label italien que je connaissais pas. Oh bah pourtant, Je les appelais le label. tu devrais être un peu plus attentif quand on fait Ouais, des émissions, parce qu'on ouais. diffuse du Gros Zelle sourd. Bah ouais, mais j'ai. Voilà, j'avais pas retenu le nom. Le visuel est encore une fois génial. Je m'arrête donc sur le créateur Michael Whelan, qui a notamment signé les pochettes de Spirit and Gall. Donc, aucune surprise au Oui, niveau visuel. dans Et la on retrouve veine. également quelques Sepultura dans le lot. Puis on peut même citer le Cause of Death de Obituary. Complètement. On a bon, c'est pas Sepultura, il y a un Soulfly, il y a surtout le Epidemic of Violence de Demolition Hammer en 92. On a le Evil de 2009 et de 2021. Et oui, et surtout voilà le gros morceau, ça a été Siris Ungol, hein, ce qu'il a fait toute leur discographie quoi. Ouais, exactement. À toute la discographie, et du coup, toute la discographie de Smouler également. Exactement. Et j'aime beaucoup son style. Du coup, je tenais à le montrer, enfin à le signaler parce À le que partager. à le partager complètement. Côté musique, on a une approche qui est ultra heavy, ultra entraînante. C'est vraiment ce style de musique qui est fait pour que tu scandes les refrains à fond dans la fosse. C'est vraiment taillé pour ça. T'as une inspiration. Alors, à l'écoute, j'ai dit putain, cet album est une espèce d'inspiration nordique qui se dégage du truc et j'avais pas vu qu'ils avaient émigré en Finlande, une partie du groupe. Et vraiment, en écoutant, t'as des passages de guitare, je me dis, putain, on dirait du Insomnium. Et effectivement, l'inspiration finlandaise, elle était là. Et tu la retrouves pas sur les deux premiers albums. Donc j'ai été surpris vraiment sur cette sortie. Et ça donne un aspect très encore plus mélodique que ce qui était proposé sur les albums précédents. Et je trouve que c'est vraiment un atout qu'ils ont apporté dans la composition. Ouais, vraiment s'imprégner du coup des entités musicales locales pour enrichir encore et rehausser leur musique. Exactement, et du coup, tu as un album qui tourne absolument pas en rond. C'est un peu un reproche sur ce style-là, parce que rapidement, tu peux avoir des trucs qui se répètent et tout. Et non, là, c'est très bien brodé autour de la composition. Et derrière, tu as un côté très très narratif avec. Alors attends, je reprends mes petites notes. Avec la chanteuse Sarah Anne, qui est complètement. Enfin, j'ai regardé des lives, elle est complètement possédée sur CD, mais sur scène également. Tu regardes les lives, vraiment, elle a les yeux écarquillés, elle est dans un autre monde. Je sais pas ce qu'elle a pris avant, mais en tout cas, elle Bobby y est. Liebling. Ah bah. Et alors, c'est too much, elle en fait des caisses, mais c'est parfait. T'attends rien d'autre sur scène et. Ouais, c'est très théâtral visuellement sur scène. Complètement. Et pour terminer, elle a une palette vocale qui est assez large, et du coup, au niveau des variations, elle va aller sur un chant très éraillé, après, elle va repartir sur des choses beaucoup plus entraînantes, beaucoup plus. Et vie. Heavy complètement. Et bah voilà, un album génial qui se dévore d'une seule traite, une discographie qui se dévore d'un seul... D'un... Vraiment, t'enchaînes les albums. La discographie, tu la manges en 2 heures et c'est parfait du début à la fin. Enfin, j'ai rien à dire, le projet est génial et j'ai pris énormément de plaisir à découvrir ce groupe. Donc du coup, tu parlais des prestations live, hein, n'hésitez pas parce que ça doit être tout frais. Smulder était en Allemagne ce week-end dans le cadre du Keep It True, voilà, festival de revival ou de oldies heavy s'il en est un. Donc voilà, l'occasion de se faire des lives de qualité. Smulder, on s'écoute le titre Victims of Fate pour illustrer le focus de ce soir de leur nouvel effort studio Violent Creed of Vengeance. C'est parti. The balance swings back and forth, determining the fate of worlds. Back and forth, as all incurred matter swirls. And thus we come to the time of tears, to the great conjunction of the million spheres, the monstrous massing of the million spheres. We'll be right back. Allez, on attaque tout de suite l'aspect française avec une doublette bien extrême, Carn et Catacombe. Carn, tout d'abord, une formation qui accuse une douzaine d'années d'existence. Ça nous vient du côté de Nancy. Déjà le troisième effort studio intitulé Condamné. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Carn ? Eh ben, au niveau du line-up, hein, c'est des icos de la scène extrême du Grand Est, hein, Malevolentia, Dawall et Sacrificer. Donc voilà, des icos extraits de line-up plutôt efficaces. Catacombe ensuite, les vétérans qui nous viennent de Toulon. Le groupe de Death Lovecraftien nous sort un nouvel effort studio, enfin le premier véritable effort studio intitulé When the Stars Are Right. Voilà, j'ai encore des petits renvois. Album clôturé par une reprise de Chapel of Ghoul de Morbid Angel. Catacombe avec un artwork absolument magnifique. On s'écoutera l'utilisé The Great Dreamer et juste avant ça, Carn avec le morceau Le Silence est d'ordre. We'll be right back. On passe ensuite à la doublette suivante, tout simplement, des montagnards parisiens de montagne qui sortent leur nouvelle EP poudreuse. C'est de la blanche, un hein, gros lien avec qu'on l'on pourrait faire avec Hangman Cher et son album Banlieue Triste. Montagne, ce nouvel EP, c'est le troisième, hein, toujours pas d'album pour la formation francilienne. On est sur du post-metal, post-hardcore, sludge. L'EP est déjà disponible, on s'écouterait le titre Miroir, Miroir. Ça y est, maintenant j'ai Mirror Mirror de Blind Guardian dans le crâne, c'est parfait. Gravity ensuite avec un autre titre en français. Gravity, ça nous vient de Montpellier, on est sur du metal moderne type metalcore, assez vénère cependant, une vocaliste grande qualité, gros panel vocal. Momentum, c'est le nom de ce nouvel effort studio, on s'écoute le titre Sans Visage. Thank you. 21, 32 minutes à la pendule de Radio Béton. Il nous reste une petite heure tranquillou à passer ensemble dans l'émission en direct de ce soir. Et on retrouve la dernière intervention officielle sous forme de focus de l'ami Thibaut pour aujourd'hui. Et là, du coup, on est sur un focus donc. Sur du black metal français. Oh bah dis donc ! Incroyable ! Quelle chute ! Ouais, mais du black metal symphonique, s'il vous plaît. De pire en pire. Ouais, voilà, de pire en pire. La formation bordelaise Diablation qui sort leur second album. Ils ont sorti un album déjà en 2021 qui s'appelle Allégeance. Il y avait déjà des bases bien solides, une ambiance maléfique, symphonique qui s'en dégage. T'as vraiment ce côté vampirique, on va dire, qui ressort de ça. On reviendra là-dessus, quelle surprise. Pour le coup, la première écoute a été un peu raide au début. J'ai eu du mal à rentrer dedans et en fait, en comprenant les enjeux un petit peu de l'album et tout, j'ai vraiment kiffé, j'ai passé un très très bon moment sur cet album. Et donc là, ils sortent leur second album, Par le Feu, une sortie chez Osmose. Le groupe est avant tout porté par le Vicomte Vampire Arkham. Voilà, c'est bon, vous avez fini sur les cons. Pas du tout. Ex-7, qui est notamment au chant sur l'excellent album Les Blessures de l'âme, qui est sorti en 98. On retrouve aussi, Yann Ferlac, qui est alias Vi Orias, qui est à la guitare et au clavier dans le projet, là, et qui était notamment dans Ad Inferna, un groupe qui faisait du black metal, qui a eu une tendance à faire de la techno-indus saupoudrée de black metal quelques années après. Je m'arrête pas dessus, mais on reviendra sur cet aspect-là un peu plus tard. Musicalement, donc sur cet album Par le Feu, on retrouve ce qui avait fait un peu les forces du premier album. Il y a un aspect extrêmement narratif et très très sombre qui se dégage du truc. T'as ce côté ambiance goth, château hanté qui ressort du truc et je trouve que ça fonctionne très très bien. Il y a toujours quelque chose de très noble qui se dégage déjà dans tous les projets, que ça soit donc les anciens projets avec Seth. Et là, sur celui-ci, il y a quelque chose de très noble et particulièrement avec un chant en français qui vient rendre quelque chose de très majestueux et quelque chose de à la fois sombre, sale, mais noble. Et je trouve que ça, c'est too much. T'as des orchestrations qui sont très grandioses. Ça pue les années 90 dans tout l'album. Alors, les années 90, black metal en France, pas les Légions Noires. Ça, on... Alors que, mais je veux dire, on n'est pas... Géographiquement, on y est. Ouais, mais on n'est pas du tout dans ce bal-là. Clairement, le nom qui revient, c'est Anorexia Nervosa. Hein. T'es dans cette vibe-là. C'est pas pour rien que sur le premier album, on a Redmar qui vient pousser la chansonnette sur un des morceaux. Que dire d'autre ? On a... Ouais, ce qui porte l'ensemble, c'est des orchestrations. Alors, t'as de tout. T'as des chœurs sur le morceau. Alors, t'as un morceau qui est au-dessus du lot, je trouve, dans l'album. On l'a déjà diffusé, donc vous l'entendrez pas ce soir. Mais Vox Diaboli, qui est le morceau le plus saisissant. T'as des chœurs dedans, mais qui sont vraiment... comment ? À te couper le souffle. T'as vraiment des moments où tu te fais emporter par le truc. C'est vraiment génial. Et à côté, t'as du clavier qui sonne comme du clavecin. Alors moi, c'est un instrument que je n'aime pas du tout, le clavecin. Ça a tendance à m'agacer. Mais là, ça fonctionne assez bien. Et ça apporte ce côté justement un peu noble, un peu baroque dans le délire. Très, très romantique, très littéraire. Typiquement français dans la signature. Ouais. On n'est pas sur le Black Sinfo, Cradle of Filth ou Dimmu Borgir. Ouais, voilà. Et surtout, ce qui fait un peu la force de l'album pour moi, c'est à chaque morceau a une identité. Vraiment, à chaque morceau... Un nouveau chapitre. Ouais, c'est ça. T'as un thème, t'as quelque chose de très littéraire qui se déroule dans l'histoire. Et justement, chaque morceau a une ambiance, un style. T'as presque l'impression de vivre une pièce de théâtre du début à la fin. Ça fonctionne vraiment de ouf. Dans les petits points de reproche que... Enfin, un petit point, c'est pas un petit point, parce que c'est quand même assez gênant. Il y a une batterie qui sonne tellement numérique, alors que visiblement, il y a un batteur dans le groupe. Mais vraiment, le son de la batterie, mais elle cogne comme si c'était une boîte à rythme, quoi. Et je trouve que ça nuit un petit peu à l'ambiance du truc, qui aurait besoin d'un truc un peu plus sanguin, vraiment, dans l'enregistrement, pour parfaire l'ambiance. Mais sinon, globalement, tu sens que les compositions sont vraiment incroyables. Le tout est enrobé de cette aura vampirique et gothique qui fonctionne de ouf. Donc voilà, un très très bon album. Bah voilà, tout le détail a été donné pour ce nouvel effort studio de Diablation. Diablation, j'avoue que... Bah, comme tout est en français, j'aurais tendance à dire Diablation. Diablation, tout à fait. Une sortie Osmose Prod, l'album s'intitule Par le Feu, et on s'écoutera le titre Testament de l'Humanité, pour illustrer donc ce focus. Yeah. Continuer, on termine l'aspect française avec une dernière doublette et une petite nouveauté au passage. Tout d'abord, Athanatéos, formation nantaise. Ils nous sortent là leur troisième effort studio après 10 ans d'absence en tant qu'album, parce qu'un EP a vu le jour en 2020. Cross, Deny, Glorify. On est sur du death metal, alors c'est pareil, hein, Thibaut étant très sensible aux artworks soignés, Athanatéos, rien que sur le visu, il y aurait à dire. Une gravure antique, début Moyen-Âge. Plutôt chouettos, hein, extrait voilà, d'une peinture. Voilà, Athanatéos, c'est du death nantais, ça j'ai déjà dit. La doublette avec Athanatéos, c'est Hate Surges. Ce sont les ex-Zikos de Upper Cult, avec un guitariste de plus, je crois, ou un bassiste de plus. Et c'est le bassiste de Upper Cult qui tient le micro, Max. Une sortie de PS Swear Your Demise avec un hardcore très très raw, très froid. Avec des inspirations assez sifflantes dans les sonorités, hein. Il y a du Larsen à gogo et ça se veut bien colère. Athanatéos, Rise of Terror, Rise of Intolerance, Wall Blood. Ensuite pour Head Surges, c'est parti. Yeah. C'était les Troyens de Head Surges. On va clôturer l'aspect française avec les annonces de concerts pour les semaines et les mois à venir. Ouais. Allez, sors d'où ton plus beau calendrier. Eh ben, directement dimanche prochain, dans pile poil une semaine, on aura une date Catharsis au Canadian. On aura notamment les Toulousains de Mourir, donc un groupe de black metal qui s'est formé assez récemment, qui date de 2019. On y trouve des membres de Plebeian Grandstand, Indigo Raven, notamment, c'est une tuerie. Il y a un groupe que tu aimes beaucoup. Ouais, voilà, c'est un groupe que j'aime énormément. Ils ont des super beaux projets. Ils ont sorti deux EP albums. Je ne sais plus exactement dans quel est le mot dessus. C'est des EP, des albums très courts ou des EP très longs. Mais voilà, ça va être vachement cool. Et ils seront accompagnés de Valve, un groupe parisien qui fait du black and hardcore sludge. Ça promet de la crasse dans la fosse assez violemment. C'est 5 balles, c'est Catharsis, c'est au Canadian et c'est 19h comme d'habitude. Voilà. Très bien. On enchaîne avec une date qui sera également au Canadian. C'est comment ? C'est Something for the Youth qui organise. Il y aura Instructor et Terre-Neuve. Ce sera le vendredi 5 mai. Tu connais les groupes peut-être? Ouais, alors Terre-Neuve, donc c'est une soirée belge. Hein. Terre-Neuve, c'est du punk skin oi de Bruxelles. C'est ultra primitif et c'est très très du coup skin punk. Voilà, c'est hyper engagé. C'est chanté en français. Et bon, on trouve surtout des lives sur les réseaux. Il doit y avoir un EP qui est dans vraiment la tradition et le style très old school. Et Instructor, c'est pareil. C'est skin punk dans le style, mais dans les intentions. C'est vraiment hardcore belge, très 90s. Et il y a moyen que ça défouraille. Hein, voilà, vraiment le punk hardcore bien agacé. Qui navigue en eau trouble entre justement le hardcore et le punk. Okay. C'est ouais, très. On peut retrouver dans le style un peu une petite ambiance un peu Youth Crew, comme on peut avoir en France, Lean Security, trucs comme ça. Okay. Oui, et après, je crois que c'est une autre soirée Catharsis, toujours au Canard. Ouais, bah là, juste pour celle-ci, donc 19h30, oui. 5 balles au Canard. C'est ça, même recette. Même recette, tout à fait. Derrière, le lendemain, on a une soirée artère souterraine qui est une soirée Power Valence Grind. Avec notamment, on retrouvera Gumo, False, Trauma et Marteau. Donc, que des groupes Grind, Power Valence. Je sais pas si t'as des petits mots à dire sur chacun des groupes. Si, c'est voilà, cette scène pareil, franco-française qui se renifle un peu le cul, hein, du nord de la France et d'ailleurs. Gumo, on les a déjà diffusés. C'est ultra cool, ultra vénère. Les mecs, ils jouent partout. Tout le temps, et c'est hyper engagé et mortellement efficace et violent. J'espère pouvoir enchaîner les deux dates, c'est pas gagné. Puis bon, voilà, vous dites, putain, 4 groupes au Canada, c'est de la Power Violence, ça doit jouer 20-25 minutes à tout péter. Hein. Donc, puis les interplateaux, en 8 minutes et demie, c'est torché. Et ouais. Pareil, 5 balles, 19h, emballé, voilà. C'est blasté. Le Canadian, donc. Et on reste au Canadian pour une soirée, donc, le 28 mai, soirée Black Metal, avec le groupe toulousain Nuit Noire, qui fait un black punk assez coolos. C'est un one man band, donc à voir ce que ça vaudra sur scène. Je sais pas du tout ce que ça vaut sur scène. Alors il y a un line-up live hein, du coup qui accompagne. D'accord, ok. Et Depressive Witches, pareil, du black metal, black and roll. C'est un duo et c'est bien coolos. Il y a des extraits très récents de leur presta live au Four Years Festival qui a eu lieu à Brest. Metal Earth Festival, pardon. Ok. Et bah voilà, 19h30, Canadian, 5 balles, la recette habituelle. Après, on retrouve la soirée Carte Blanche Riposte Assaut le mercredi 7 juin dans le cadre de Au Quart de Tour avec Verbal Razor, Beyond the Sticks et surtout les Allemands de Slope. Donc là, c'est pareil, ça doit être autour de 5 balles la soirée. Ouais, là, j'ai pas l'info. Ça doit être une connerie du genre entre 5 et 10 balles. Ouais, ça doit être 8 sur balles. Sur le site de la Gloriette dans le cadre de Au Quart. Et alors, il y aura probablement d'autres trucs qui seront pondus en juin. Et sinon, ça nous propulse un mois plus tard, le 8-9 juillet, pour la 7e édition du Ripfest à la salle Oesia. On va pas refaire tout le pédigré de l'affiche. On aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. À noter les headliners Memoriam, Born from Pain et Chromax. Tout à fait. Retour okay. À la diff internationale avec Death Pill and the Evil. j'en perds mon souffle. Deux formations bah, qu'on vous diffuse depuis quelques semaines. Death Pill tout d'abord. Alors si je reprends mes notes, ça sera tout de suite carrément mieux. Tiens, je vais te passer le micro. Tu prends le micro. Prends le micro. Bah, Death Pill, bah, c'est un groupe qu'on a présenté il y a deux semaines. C'est un trio féminin qui nous vient de Kiev en Ukraine, qui nous fait un mélange hardcore, trash, punk, aussi bien influencé par du Black Flag, du Nervosa que du Exodus. C'est plutôt bah, bien énervé au niveau des riffs, vocalement aussi. Il y a quelques passages en chant clair qui peuvent un petit peu hérisser le poil. Mais bon, voilà, c'est l'éclectisme au niveau des influences qui veut ça. On s'écoutera d'ailleurs le titre très bien nommé Dirty Rotten Youth. Donc, Tout est dans le nom du morceau. Et puis après, on va s'écouter The Evil. Ouais, le groupe ukrainien, c'est vraiment dans la tendance politique actuelle. And The Evil, groupe de Occult Doom qui nous vient du Brésil, actif depuis une dizaine d'années, qui compte notamment dans ses rangs ce qui a été le vocaliste-guitariste des mythiques Sarcophago. Voilà, là il tient uniquement la guitare dans The Evil. Seven Acts to Apocalypse, pardon, une sortie en plus sur le label français Osmos Prod. On s'écoutera le titre Greed, Death Pill, enchaîné à The Evil. is your brain.